chanson, l'ont l'air de ce tout petit garçon qui marche pieds nus près des rizières. Quand l'oiseau chante, il fait moins froid. Quand l'oiseau chante, c'est pour toi. Un rideau noir tombe sur le monde et la liberté n'est plus qu'une ombre. La chanson chante, il fait moins froid. Quand l'oiseau chante, c'est